cellulaire, c'est Gwent, un amour, direction des poches. Rêveur, j'aurais dit Nard, des nomophes. Maman m'attache les bras au dos. Mal dormi, j'ai mal au dos. Rêve d'un McDonald's, d'un bon bain, d'un pack d'hommage. Bousculé au crépuscule. Froisse mon costume à l'intérieur. Les gardés à vue ne se causent plus. Assume les violences commises. Pense aux peines promises. Sur nous 5, au moins 4. Sur la déposition, sur atomie. Préconise la vérité tant qu'il n'y a pas de preuve. J'ai pas changé ma version depuis 24 heures. Entre nous, 4 keufs mal rasés, j'ai une sale gueule. Ras-le-bol déjà coupable, je parais pour un sale cum. Les rues des villes défilent, la vérité s'éloigne. Sur le trajet, je me dis pourquoi la galère en témoigne. Vers marginal jusqu'à ce qu'on m'enterre. J'attends pour reléger ma chambre à la préfecture de Nanterre. Assieds-toi, faut que je te parle. C'est le bon choix. Assis, je veux te parler. Ça vient de qui cette idée? Tu vois ce qui lui est arrivé? Ouais. Qui vous envoie? Yo, le plus humiliant c'est la fouille. Ils sont prêts à palper les boules. Poule mouillée, tu devrais goûter mon coude. Une lame rouillée. J'entre en cellule, bloquer les coups. Pour les shots, y'a qu'un trou. Tout pouilleux dans la pièce, aucun nid douillet. Souille, j'ai pas la trouille, il est encore tôt. À 7 ans avant que le corps saute la corde au cou. Rêve d'un morceau cru ou d'une évasion au marteau. J'suis innocent, chez moi y'avait pas de matos. 15h, RDV avec mon baveux. Suite à ma JAV, m'ôter l'envie de passer aux aveux. Jamais été de ceux qui avouent. J'ai assumé, suriné, aucune fois manqué de bravoure. Le temps passe au ralenti, Dieu, je crois le seul en qui peut aider à anticiper ma sortie, amortir la décision du procureur. Vous avez vendu de la drogue et vous n'êtes pas qu'un dealer. Un briseur de vie me dit-elle. Et qu'un long séjour en prison maîtriserait mes crises de nerfs. Dynique, malgré sa haine, j'optimise. Joue la victime, propre dans mon langage pour apaiser son verdict. Écoutez, ma mère vit seule, je suis son seul appui. On peut pas dire que la drogue est une alternative. Question mathématique, ça nous remplit les manques. J'ai bien été élevé, je ne suis pas ce mauvais élément. Que vous dites, dans ma tête, je la maudis. Souhaite juste qu'elle maudit, file la peine. Ou qu'elle soit amovible, 17h, délibère. Si on me libère, je suis guéri. Dans la peine, j'atterris, si on m'enferme, c'est fini. Elle me dit que je suis pour être jugé dans 3 semaines. Et pendant ce temps, je dois réfléchir au droit chemin. Merde. Ok. La juge crie, c'est la sentence off. Les jurés estiment ma faute lourde, même point d'off. Ou une trace d'un chèque, ou trace sur taupe. La réelle preuve, la sienne contre la mienne. Parole, main de preuve et chef d'accusation. Altercation malgré les galons. Un bon narrateur n'a pas de folie. Sur le collimateur de la justice police. La colère obstruée dans un colis. Seul Dieu juge, mais comment un alcoolique puisse me juger. Vouloir me faire purger dans la foulée. Un gars insurgé, c'est la tollée. Une colère aiguë véhiculée sur mon faciès. Expression immaculée. Les tribunaux, c'est un crash test qui finit mal immatriculé. Mais faute des preuves, je suis libre à faire classer miraculé. Tel Minès, les prodiges du 9-2 sont libres. Malgré les accablantes preuves, les juges accablent. Ok, on est libre. On est libre, mec. On est libre. Je...